Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter Durus al-Madina, al-Juz al-Thani, les cours de Médine, tome 2, une suite de cours donnée par le frère Khalil al-Martiniki, hafidhullah ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi-Dammaj, au Yémen. Cours numéro 8. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الصلاة والسلام على نبينا محمد وأهله والصحبه ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين ما بعد. ندخل إن شاء الله في الدرس الثامن. ونجمسون. Et cette leçon sera porte au Dhamair que là il va te faire une révision générale من الدمائر المتصل بالفعل du Dhamair qui est attaché au verbe. Donc comme tu vois là dans le tableau, la jidouel qui est devant toi, jidouel c'est tableau en arabe, jidouel, il donne les catégories des domaïr, comment les classer et comment à qui ils se rapportent. فَمِنْ حَيْسُ الْعَدَادِ يَنْ قَسِمُ الْعَقِسْمَيْنِ Par rapport au nombre, il se divise en deux. Al-Mufrad ou Al-Jam. Vous voyez, le singulier et le pluriel. Il y a aussi le Moussanna, mais ils ne l'ont pas mis dans le livre encore, le duel. De toute façon, même s'il avait mis le Moussanna, Inch'Allah, il le haq bil-jam. Le Moussanna, il se rapporte au pluriel. Il fait partie du pluriel, mais c'est un genre spécial. Mais en vérité, il fait partie du pluriel. Donc, Adam Ma'ir, min haysu al-ma'na, par rapport à leur sens, ils sont de trois catégories. Ça, c'est Aksem. Al-Ra'ib, Al-Ra'ib, c'est l'absent, celui de qui on parle. Al-Mukhatab, c'est l'interlocuteur, celui à qui on parle. Wal-Mutakallim, c'est l'orateur, celui qui parle. Et wa kull adil aqsam thalatha tanqasimu ila qismayn mudhakkar wa muannas. Et pour le masculin et le féminin. Alors en premier, il commence par quoi? Lil-Ra'ib. أولاً الغائب المذكر avec le fil ذهب المذكر المفرد le masculin singulier avec ذهب tu dis حامد ذهب donc en fait le fil c'est il ou le fil c'est هو ضمير مستتير attention حامد on a dit c'est quoi حامد c'est مبتدا faut attention à ne pas dire que c'est un fil donc le fil Là, il est moustatir, dissimulé, sous-entendu. Bitokdir, huwa. Al-jam, min al-ghaib, al-muzakkar. Tu dis, hamidun, wa hashimun, wa aliyun, zahabu. Biwa ul-jama'a. Fayib, biwa ul-jama'a. Maintenant, al-muannath, l'il-ghaib, al-mufrada. Fayib, l'absente. Féminine, singulière, tu vas dire Aminatu Zahabat. Vous voyez En al-fa'il ou na, il ou al-fa'il ici, il est comme huwa, il est moustatir. Aminatu Zahabat, ay, c'est-à-dire hiya. Vous voyez Hiya. Et le ta'la qui est ici, on l'a, ne cesse de le répéter, c'est, ce n'est pas un damir. C'est ta' al-fa'il ou ta' tani safon asakina. C'est un harf, c'est pas un damir. Juste pour démontrer que le fa'il, c'est un féminin. Wal-jam min al-ra'iba al-mu'annatha. Le pluriel, ça va être quoi? Aminatu wa zaynabu wa maryamu zahabna. Taïb, zahabna. Wa hadi nun fi akhir al-fi'l. Taïb, ala damir. C'est nuna zahabna. Le nala, c'est un damir. Muttasil. Taïb, s'appelle nun et niswa. Nun ou Niswa. Ou on dit aussi Nun el Inès. On peut dire les deux. Et lui, c'est lui le fa'il. C'est lui le fa'il. El N, mima yata'allaq bil mukhatab. Maintenant, c'est l'interlocuteur. Celui à qui on parle. Pareil, el Qasimu l'Aqismen, il haïsou el Noa. Par rapport au genre, c'est el Muzakkar ou Mu'annas. فالمذكر المخاطب المفرد l'interlocuteur masculin singulier ça va être انت ذهبت طيب انت ذهبت donc on a ضمير هو تا طيب تا c'est toi tu as été فهو ضمير متصل et c'est le فاعل والجمع le pluriel طيب المذكر والمخاطب c'est انتم ذهبتم donc là le فاعل c'est Tum. Taïeb Tum. Qui se traduirait par vous. Et c'est le fa'il. Al-an et le mu'annas, pour le féminin, c'est le mufrad, tu vas dire anti zahabti, ma'al kasra. Al-fa'il, c'est le damir, mutasil, c'est ti. C'est-à-dire toi, au féminin. Wal-jam, le pluriel, le mukhataba, le mu'annasa, tu vas dire antunna. Zahabtunna. Vous avez été, vous les femmes, c'est-à-dire. Et là, le damir, elle est où? Tunna. Tunna. C'est le damir, muttasil, et c'est le fa'il. Le mutakallim, l'orateur, celui qui s'exprime, celui qui parle, il est mutlaq, il est mixte, le damir. Juste, il se divise en jam et mufrad. Mais par rapport au genre, il est mixte. C'est le même damir pour les deux, pour l'homme comme pour la femme. Tu vas dire ana pour mufrad ana zahabtu. طيب ana zahabtu. Donc là le fa'il c'est quoi dhamir muttasil c'est tu. J'ai été. Je suis allé. Wal jam le mutakallim c'est nahnu zahabna. C'est nous quoi en fait. طيب nahnu zahabna. Donc là le dhamir c'est muttasil et c'est na et c'est lui le fa'il. Très important. Dans tous ces exemples qui ont été cités, le fa'il c'est damir. Et tous ces damair et muttasila, ta pour ce qui est du mukhatab, hein, le mukhatab, je parle du mukhatab, anta zahabta, tayyib, antum zahabtum, anti zahabti, antunna zahabtunna, wa ana zahabtu, s'appelle ta ul fa'il. Ce domaine s'appelle ta ou le fa'il. Yib ta ou le fa'il. On a dit que ta, comme la lettre ta, al-jibata ta, ta ou al fa'il. C'est son nom. Et dans nahnu zahabna, le domaine c'est mutasil, c'est na. Il s'appelle Na al-fa'ilin. Na al-fa'ilina. Na, ouais, enfin, on n'a pas de tableau ici. Na al-fa'ilina. Et les autres, c'est ma'louf. Hum zahabu, c'est le jama'a. Wa hunna zahabna, c'est nun niswa ou nun il-nes. Al-fa'ilina. Maintenant, Inch'Allah, on va appliquer et mettre en pratique ces dama'ir. Et Alhamdoulilah, il n'y a rien de nouveau. Mais c'est bien de répéter car cela s'ancre dans la mémoire. Fayakul Tamarin Akmil Al-Jumal Al-Atiyata Bi Wad'il Fi'al Zahaba Fil Faror Ba'd Isnadi Il Damir Al-Munasib. Donc il dit de combler les trous. En utilisant le fi'l zahaba et en lui attachant le domir qui correspond. Alors, Aïna al-Talibu al-Jadidou. Hein? Aïna al-Talibu. Là, on doit. Là, je m'attends. Al-Tullabu al-Jadidou. Non, où sont les nouveaux étudiants? Kif takoul? Zahabu il al-Mudiri. Non, donc là, on doit mettre quoi au Jama'a? Zahabu il al-Mudir. Au Jama'a, il revient à qui? Tullab. نعم ثانيا نحن ذهبنا الى الملعب نعم nous avons été au terrain de jeu donc là ذهبنا c'est na الفاعلين il y avait qui نحن ثالثا اين ذهبت بعد الدرس عفوا نعيد اين ذهبتم نعم بعد الدرس لا بعد بعد الدرس نعم يا إخواني نعم donc où avez-vous été après le cours oh mes frères donc là أين ذهبتم طيب لالتم revient à qui à la base إخواني comme je t'avais dit à la base normalement le damir il est précédé d'un ism mais là comme c'est une question avec munada le munada il est venu en dernier c'est parmi les choses qui font exception رابعاً أذهبت إلى السوق اليوم يا أبي نعم as-tu été au marché aujourd'hui ô mon père donc أذهبت طيب c'est ta il revient à qui أبي نعم أنا ما ذهبت إلى المكتبة اليوم نعم je n'ai pas été à la bibliothèque aujourd'hui donc ذهبت يجي إلى من إلى أنا نعم أنا أمي ذهبت إلى المستشفى نعم أمي ذهبت إلى المستشفى ما عيتي إلى الهوبيتال أين الفاعل أمي كيف ذهبت أمي ذهبت إلى المستشفى أين الفاعل دم المستطيل نعم دم المستطيل تقديره هي يعني هي يعني كي أمي سابعا تفضل أذهبتن لزيارة لزيارة خالتكم خالتكم خالتكن خالتكن يا بناتي نعم avez-vous été visiter votre tante maternelle madame maternelle pour mes filles Donc là, ذهبتُنَّ تُنَّ يرجع إلى من vers qui il représente بناتي بناتي نعم ثامناً ذهب أخي إلى المطار نعم mon frère était à l'aéroport فذهب أين الفاعل فاعل هو أخي نعم أحسنت أخ تاسعاً إخوتي ذهبوا أخواتي نعم ذهبنا إلى الكلية نعم mes soeurs ont été à la faculté donc ذهبنا la nous n'y soit il revient à qui أخواتي نعم مشيرا أذهبت إلى المدرسة يا عائشة as-tu été à l'école ou à عائشة فذهبت لالتي يرجع إلى من Non. Donc comme je t'ai dit là, faut faire attention par rapport à ce que j'avais dit dans le Ders, que le domir, voyez, le domir à la base, il vient pas tout seul sans avoir été éclairci par un isme zorir avant lui auparavant. Et là, on a trouvé des domayer qui viennent et le isme vient après. Mais là, c'est des questions, c'est pas pareil. Voyez, el usluf il istifham yar talif. Mais là, d'origine, c'est qu'un domir, quand tu dis un domir, c'est que tu sais auparavant de qui tu parles. Il y a déjà eu une chose qui a démontré. Vers qui reste Damir. Et ça, c'est une règle générale, elle n'est pas catégorique. Fanyan, Akmil el Jumel Atiata biwad fiel mardin munasib fikul amakin il khariya. Donc il veut que tu combles les trous en mettant un verbe au passé dans les trous. Nam. Asami'at al adhan ya Muhammad. Nam, as-tu entendu l'adhan ou Muhammad? Fanyan. نحن لعبنا انا ايوه كيف نحن اي نحن لا اي انت كنت لعب لعبنا لعبنا كم شربة نحن لعبنا كرة السلة اليوم نعم nous avons joué au basket aujourd'hui ثالثا أغسلت قمصاني قمصاني ومناديلي يا أمي نعم as-tu lavé mes قميص et mes mouchoirs ou serviettes ô ma mère Rabi'an. Kataba ad-darsa. كتب المدرس الدرس على صبورتي. نعم. Le professeur a écrit le cours sur le tableau. خامسا. أنا فتحت باب الفصل. باب الفصل. باب. باب الفصل. وحامد وهشام وبلال فتحوا نوافذ. نعم. Donc moi j'ai ouvert la porte de la classe. Et Hamid et Hicham et Bilal ont ouvert les fenêtres. Sadisan. Afahimtu ad-darsa al-jadida jayidan af'a. Aïwa. Aïd. Ya banat. Afahimtunna ad-darsa al-jadida jayidan ya banat. Naam. Avez-vous compris correctement le cours, ô les filles? Sabian. زميلتي زميلاتي زميلاتي جنب زميلة خرجوا خرجنا نعم لا خرجنا خرجنا من الفصل بعد الدرس بعد الدرس نعم ثامنا أقرأت القرآن بعد صلاة الفجر يا أبناء يا أبنائي. لا هو الجملة الصحيحة تفضل قرأت أي حفظ قرأت القرآن يا أبنائي يقول كذا. يبقى يتدي بعد صلاة. قرأتم. يتدي بعد صلاة بعد صلاتي. فأعيد الجملة أقولي لا. أقرأتم. نعم. القرآن. نعم. بعد الصلاة. الفجر بعد صلاة الفجر نعم يا أبنائي نعم تاسعا أخي حفظ سورة الرحمن سورة سورة الرحمن نعم عاشرا لعن يبتدى تخوص كل فيها كيف نقول أبقي كي عن كي ندعي دياركتما C'est bahatha qui veut dire chercher. Ana bahathu an qalami walakin ma wajadtu. Walakinni. Walakinni ma wajadtuhu. Non, j'ai cherché mon stylo, cependant je ne l'ai pas trouvé. Hadi Achar. Man qatala hadihi l'haya. L'haya. Non, qui a tué ce serpent? Sharibti al-qahwata ya Maryam. Non, as-tu bu le café au Maryam? Salut, c'est Achar. Zamili. زملائي زملائي زملائي أكلوا الموز نعم وأنا أكلت العنب نعم mes camarades ont mangé la banane et moi j'ai mangé le raisin رابع عشر ضربت فاطمة بنتها بالعصا نعم Fatima a frappé sa fille avec le bâton. NN, il va répéter ce qu'on a déjà dit nous-mêmes, en te donnant la mise en place ou la formation du fi'l avec le damir muttasil. Yakulta ammel mayali, il me dit ce qui va suivre. Quand il dit Zahaba, Masalen Mohamed Zahaba, il te dit Zahaba. هو الفعل طيب زائد ضمير مستطير وهذا الضمير مستطير ما هو هو الفاعل هنا ضمير مستتر وهو ذهبوا يتدي سي ذهب طيب مع فعل يعني هو الفعل عفوا زائد واو وادي الواو هي الفاعل ذهبت يقول ذهب فعل ذهب زائد ت التأنيث ساكنة وكنا دي تاء هي علامة التأنيث طيب سي ان سين ديمونطرون لو كوتي فيمينين دو سوجي زائد ضمير مستتير وهو الفاعل طيب الضمير المستتير فاعل و سي كوا ايسي سافيت هي ذهبنا سي لو فيل زائد نا ودنا كما كما نابلي نون انيسوا ونون الاناث لو لا بامي مي ان شاء الله نقول دي Et ce nun, c'est lui le fa'il. Zahabta, ay anta, c'est zahaba, zaid, ta, taïeb. Et adita, on a dit que ça s'appelait comment? Ta el fa'il. Tous les ta là que tu trouves dans le mukhatab s'appellent tous ta el fa'il. Et ce ta fa'il, c'est lui le fa'il, comme son nom le démontre. Zahabtum, c'est zahaba, zaid, tout. Et là, il va te montrer quoi? Un truc qu'on n'avait pas encore pris au début. Qu'en fait, en réalité, dans Zahabtum, le domir, c'est tout, tout seul. C'est pas tum entier. Au début, on a dit comme ça parce que on voulait simplifier la chose, mais là, il commence à détailler pour que tu saches bien chaque chose et quelle est sa place. Donc, lorsqu'on dit Zahabtum, en fait, c'est Zahaba avec tout, fakot, et c'est ulfa'il, et on a rajouté un mime. Après tout, et ce mime, c'est quoi? Alamatu jam. C'est un signe du pluriel. Mais le vrai domir, en fait, c'est pas tout entier. C'est tout tout seul. Taïeb, c'est tout tout seul. Zahabti, c'est Zahaba, avec tel feril, c'est ti, et c'est lui le feril. Zahabtun, c'est Zahaba, avec tout, comme Zahabtum. Le domir tout seul, c'est tum. C'est tout seulement. Et c'est le fa'il. Zaid na. Taïeb. C'est un nun avec une shadda, avec une fatha. Et ce nun avec une fatha, lui c'est alamat al-jam. C'est aussi un signe de pluriel. Mais moi, ce que j'ai appris, c'est alamat al-jam ou alamat al-inas. C'est un signe de qu'il est féminin. Donc je ne sais pas si. Non. C'est comme ça que je l'avais pris. Après, Inch'Allah. Taïeb. Zahabtu, ay ana. C'est le fi'al. Zaid, tout. Et ce tout, c'est un fa'il. Et c'est lui le fa'il. Taïeb. Zahabtu, ay ana. Wa zahabna. Il faut faire attention à ne pas confondre entre Anissa, zahabna. Wa nahnu, zahabna. Celui-là, il a un med. Il y a un lif à la fin. Parce que des fois, on prononce en vite. Peut-être qu'on peut ne pas faire attention. Mais Inch'Allah, avec le ma'asir kel-kalam, yufham el-maqsoud. C'est-à-dire, dans le cours de la parole, on peut déduire ce que la personne a voulu dire, mais faire attention. Donc, zahabna, c'est zahaba, c'est le fi'al. Zaid avec na, et ce nom, on a dit que ça peut comment? Na el-fa'ilin. Ils l'ont pas mis, nous on l'a pris. Et c'est ce na, c'est le fa'il. Vous voyez, le na, c'est le fa'il. Donc, maintenant qu'on a pris ça, il te dit, Rabi'an, ayyin al-fa'ila fi mayali. Tu dois désigner le sujet, le fa'il, dans les verbes qui sont exposés en dessous. Kharajtu, en al-fa'il. C'est tout. Naam. Jalasna, en al-fa'il. C'est na. Naam. Samirti, en al-fa'il. Ti. Shalabtunna, en al-fa'il. Attention. C'est tout. Naam. Et le noun, c'est eux, ils ont dit à l'antéjan, moi je me rappelle que c'était à la matérimia. دخلوا إن الفاعل واو أيوة واو جماعة حفظنا إن الفاعل نا نعم أكلتم إن الفاعل تو نعم والميم علامة الجمع فتح إن الفاعل ح فتح Domir mustatir. Naam. Taqdiruhu. Huwa. Et sous-entendu, huwa. Fahimtunna. C'est tout. Naam. Et le nun, c'est alamat al-inas ou alamat al-jam, comme ils ont dit. Katabta. Ta. Nam. Rasalat. En al-fa'il. C'est. Sakina. Ta'anis. C'est le fa'il. Rasalat. C'est les damel mustatir. Aïe, attention. Là, le ta, c'est pas un ta fa'il. C'est pas comme tout ti ou ta. Il n'est pas pareil. Nam, c'est hiya. Damel mustatir. Takdiruhu hiya. La'ibu. Ou Jama'a. Dakhala. Damel mustatir. Nam. Takdiruhu mada. C'est quoi ce qu'on a dit? Darabat. C'est damel mustatir. Nam. طيب الان يقول من الضمائر المتصله parmi les ضمائر attachées tu as là il va te faire un khulasa tout ce qu'on a pris un topos qu'on a pris ta كما في donc le ta comme dans مثلا ذهبت ضمير متصل ذهبتي c'est ضمير متصل ذهبت c'est ضمير متصل ذهبتم تو c'est ضمير متصل ذهبتن تو كذلك c'est ضمير متصل. Et également, parmi les domaines Moutassila, waou, wa jama'a, kamafi, comme dans Zahabu. Taïeb. Également, parmi les domaines Moutassila, enoun, enoun niswa, kamafi, comme dans Zahabna, ay enisa Zahabna. Et na, taïeb, na al-fa'ilin, comme on l'a appelé, kamafi, comme dans Zahabna, ay nahnu Zahabna. Et c'est tous ces fa'ils. Et maintenant, il dit « Ta'amel mayali ». Sache que le damir mustatir, taïeb, les savants du Nahu, ils l'ont classé parmi les damir muttasila. Bien que ça peut ne peut pas être logique, parce que tu veux dire « Zahaba » ou « Wa ». Dire « Wa », c'est un damir muttasil, c'est pas un muttasil. Tu vois. Et pourtant, eux, ils l'ont mis du genre « d'une qisme muttasil ». C'est comme ça. Taïeb, il est considéré comme un muttasil. Bien que, en apparence, on mettrait plutôt dans le muttasil. نعم نعم نعم طيب أين حامد هو حامد تقول خرج كون سعد كم سا لا هو قد هو قد دفاعل en apparence et comme on l'a dit il est où il est là c'est damir mustatir طيب تقديره هو et lui comme on a dit à l'instant on le classe parmi les damir les muttasil. Taïeb, bien que cela contredise ce que nous on pourrait imaginer comme étant, logique, mais ce n'est pas le cas. Donc quoi en fait c'est kharaja, c'est le fi'al, et son fa'il c'est damir mustatir. Thaniyan, ça c'est le muzakkar, taïeb, eina hamidun. Wal muannas, eina aminatu. Taïeb, eina aminatu, où est amina? On va dire quoi? Kharajat. C'est-à-dire, hiya. Donc c'est kharaja, c'est fi'l, avec ta'anis, ta, qui est alamat ta'anis, et son fa'il, c'est damir mustatir. Et dans le fi'l ma'adi, le damir mustatir, on le trouve que deux fois. On trouve qu'avec huwa et hiya. Ama, fil fi'l mudali, on peut trouver plus que ça. Vous voyez? Donc, t'akoul, adhab il masjid. Il est où le fa'il? Ana, mustatir. Taïeb, tadhab il masjid. Et dans le fa'il, dans le mustatir, et anta. Taïeb, dans le mudaliya, tu le trouves plus souvent que dans le mardi. Le mardi, tu vois que deux fois. Pourquoi? Parce que tous les autres, c'est des mustatir, ils sont mojouda. Tu les vois, elles sont là. Taïeb. Donc voilà, c'était ça le test d'aujourd'hui. Un axuel? Non. Taïeb. فنكتفي بهذا ونقول والحمد لله رب العالمين